Vous avez quelque chose à déclarer? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? J'ai un demi-litre de whisky canadien. Il est dans mes bagages. Bon, ça va. Et vous, madame? Vous avez quelque chose à déclarer? Non, je n'ai rien à déclarer. Et vous, mademoiselle? J'ai un petit flacon de parfum. Oh, ça va, mademoiselle. Et un grand flacon de parfum. Le petit flacon est pour Jacqueline. Et le grand flacon? Le grand flacon est pour moi. Il est pour vous. Bon, ça va. Et vous, monsieur? Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Des disques? Des... Pas des disques, mais un disque. Un micro-sillon. Et j'ai deux petits flacons d'aftershave. Bon, ça va. Au revoir, monsieur.